Il est évidente que l'on ne peut pas voir toutes les transformaciones qui existent ici. Il reste encore beaucoup de trucs et astuces que j'aimerais vous montrer et qui vous seraient utiles pour retrouver des mots en espagnol. Mais je vais seulement vous présenter les plus importantes dans cette méthode. Bon, je ne peux toutefois pas m'empêcher de vous parler d'une autre transformación qui vous permettra vraiment de vous démarquer des autres turistas. Les terminaisons isme, I-S-M-E en français, deviennent ismo, I-S-M-O en espagnol. Les mots se terminant par ismo sont tous masculins. En voici quelques-uns qui vous permettront de lancer des conversations intéressantes. Si absolutisme se dit absolutismo et tourisme turismo, comment direz-vous socialisme? Bien sûr, socialisme. Et communisme? On a bien communisme. Comment direz-vous alors? Le socialisme et le communisme sont des systèmes politiques. Le D ne se traduit pas en espagnol. El socialismo y el comunismo son sistemas políticos. On ne pourra pas vous accuser maintenant d'avoir un vocabulaire limité. El socialismo y el comunismo son sistemas políticos. Traduisez-moi, s'il vous plaît. L'héroïsme est admirable. El heroísmo es admirable. El heroísmo es admirable. Heroísmo porte un accent sur le i. Terminons cette première partie avec des exemples portant un message utile. Si une autre langue se dit otro idioma, O-T-R-O, plus loin, I-D-I-O-M-A, et apprendre, aprender, A-P-R-E-N-D-E-R, comment diriez-vous? Pour apprendre une autre langue, l'optimisme est très important. Notez d'abord que devant otro, otra, qui signifie autre, on n'utilise pas un ou une, comme en français. Pensez aussi que idioma, comme idiome en français, est un mot masculin. Dites d'abord, pour apprendre une autre langue, para aprender otro idioma, para aprender otro idioma, le un français n'est donc pas traduit en espagnol devant otro. On ne mettra pas non plus una devant otra. On a dit aussi otro car le mot idioma est masculin, même si se termine par un a. Si le mot avait été féminin, nous aurions dit otra. Traduisez maintenant, l'optimisme est très important. El optimismo es muy importante. El optimismo es muy importante. Dites maintenant la phrase en entier. Pour apprendre une autre langue, l'optimisme est très important. Effectivement, c'est très important. Para aprender otro idioma, el optimismo es muy importante. Para aprender otro idioma, el optimismo es muy importante. Notez aussi l'utilisation de para et non de por, car on désigne ici un objectif. Lire se dit leer. L-E-E-R. Donc, comment diriez-vous, sans traduire le « de » après « il est important » Pour apprendre l'espagnol, il est important de lire en espagnol. Vous avez réussi à lire cette phrase? Bravo! Para aprender el español, es importante leer en español. Notez bien, es importante leer. Le « de » qu'il y a en français ne se traduit pas. Vous pouvez redire cette phrase, s'il vous plaît? Pour apprendre l'espagnol, il est important de lire en espagnol. Para aprender el español, es importante leer en español. Para aprender el español, es importante leer en español. Je suis sûr que si vous lisez votre horóscope aujourd'hui, il sera écrit que votre futuro en tant qu'étudiant d'espagnol est brillant. Au début de cette partie, nous disions que vous n'aviez besoin qu'entre 500 et 1500 mots pour pouvoir vous débrouiller dans une autre langue. Grâce à ces transformaciones, vous connaissez maintenant, ou pouvez du moins recréer, une bonne partie de ces mots. Dans les autres enregistrements de cette méthode, nous apprendrons et nous nous entraînerons avec plusieurs centaines de mots de tous les jours. Des mots qui ne ressemblent pas forcément au français, mais qui sont essentiels pour pouvoir vous exprimer et comprendre votre interlocuteur. Vous verrez que petit à petit, ou poco a poco, comme l'on dit en espagnol, vous atteindriez l'objectif que vous vous êtes fixé, celui de vous exprimer de mieux en mieux en espagnol. Et oui, votre horoscope ne dit pas que des bêtises. Installez-vous confortablement. Inspirez profondément. Relaxez-vous et voyons ce que le futuro vous réserve. Et si vous sentez que vous ne maîtrisez pas certains points que l'on a vus dans cette partie, je vous encourage à les réécouter et à vous entraîner de nouveau. C'est ce que Michel Thomas conseillait à ses étudiants. Pour vous aider à repérer un thème que vous voulez revoir, consultez le livret accompagnant cette méthode. Celui-ci contient un index pratique où sont répertoriées toutes les pistes des CD, ainsi que leur contenu. Muchas gracias por su atención y hasta ahora.